بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc mes frères bien-aimés, qu'Allah Azza wa Jalla vous accorde la meilleure récompense et vous comble de ses bienfaits. De par sa grâce, subhanahu wa ta'ala, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de tawhid, à travers lesquels nous sommes actuellement en train de citer les nobles et majestueux et beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes actuellement en train de citer le merveilleux nom d'Allah Azza wa Jalla, le sublime nom Al-Latif, le subtilement connaisseur de toutes choses et le subtil dans ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons cité, la dernière chose que nous avons vue ensemble concernant ce nom, c'est comment recenser ce nom. Et nous avons cité, et nous nous sommes arrêtés au deuxième point parmi les points dans lesquels nous avons dénombré comment adorer Allah Azza wa Jalla à travers ce nom. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jalla, nous poursuivons, implorant notre Seigneur et Créateur, le Tout-Haut, celui qui sait toutes choses et celui qui guide qui veut à ce qu'il veut, nous l'implorons, subhanahu wa ta'ala, de nous guider vers une parole authentique et correcte, et qu'il rectifie notre intention et ce qui est caché de nous. Amin. Donc, avant d'entamer le propre du cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jalla, j'ai souhaité faire un petit rajout par rapport à ce que nous avons cité précédemment. Donc, si vous vous rappelez, dans le recensement de ce nom, nous avons cité trois points essentiels. D'abord, connaître ce nom et le mémoriser. Ensuite, connaître son sens et sa portée. En troisième, adorer Allah Azza wa Jalla à travers ce nom. Dans ce troisième point, il y a trois sous-éléments. D'abord, attribuer à Allah Azza wa Jalla ce nom et l'attribut qui en découle de manière convenable à Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, invoquer Allah Azza wa Jalla par le biais de ce nom, ou bien par le biais de l'attribut qui découle de ce nom, et aussi faire l'éloge d'Allah Azza wa Jalla avec ce nom. Donc nous avons cité cela, que lorsqu'on fait des doigts, on dit « Ya Allah, toi, c'est toi Al-Latif, c'est toi le tout miséricordieux, c'est toi le très miséricordieux, c'est toi le pourvoyeur. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle les louanges d'Allah. Aussi, il y a At-Tawassul. At-Tawassul, c'est l'intercession. Tu invoques Allah Azza wa Jalla en demandant l'intercession par son nom à lui, subhanahu wa ta'ala, Al-Latif. Oh Allah, je te demande par le fait que tu sois Al-Latif, le bienfaisant, le subtil bienfaisant, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on rajoute à ce point-là un autre élément qui est très important, c'est le fait d'implorer Allah Azza wa Jalla de faire preuve de lotf envers nous. Donc ça c'est un élément important. Allah est latif, donc il est subtilement bienfaisant. L'une des choses importantes à demander à Allah Azza wa Jalla ou à faire à travers ce nom, c'est lui demander de nous accorder cela. Malheureusement, ce point qui est important, nous l'avons négligé lors des précédents cours. Donc on aurait dû dire la même chose lorsqu'on a vu le nom Ar-Rahman Ar-Rahim, les deux noms Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc parmi ce dont on doit faire pour recenser ce nom, c'est demander à Allah Azza wa Jal sa miséricorde, sa rahma et ainsi de suite. Donc ceci est une information subtile qui a été, à laquelle a fait allusion ou a cité Cheikh Saleh Sindi, jazahallahu khayran. Donc rajoutez-la à vos connaissances, bi'idhnillah. Donc comment adorer Allah Azza wa Jal à travers ce nom? Ou bien quels sont les fruits souhaités, escomptés à travers l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers ce nom? Irhamukallah. Nous avons cité la semaine passée, premièrement, que tu saches qu'Allah exalté soit-il, c'est toute chose, même ce qui réunit toutes les caractéristiques du secret et du caché. Irhamukallah. Ensuite, nous avons cité que tu saches et garde présent à l'esprit que tous les événements de ce bas monde et de l'au-delà sont entièrement régis par Allah, exalté soit-il, soumis à sa volonté et à son décret. Rien n'en échappe, rien n'arrive en vain, ni par hasard. Aucun humain, ni djinn, n'impose quoi que ce soit. Il n'existe ni malchance qui corrompt, ni chance qui produit quelque chose. Mais plutôt, ce qu'Allah veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalisera jamais. Donc ça, c'est ce que nous avons cité la semaine passée. Le troisième point, parmi les fruits de l'adoration d'Allah Azza wa Jal à travers ce nom, c'est que tu saches qu'Allah, exalté soit-il, est sage dans ses actes et dans la manière dont il décrète les choses. Et fait partie de sa sagesse le fait qu'il prédestine toutes choses avec perfection, que lui sait et maîtrise, de manière à ce que le devenir des choses soit un véritable bien pour le serviteur. Allah Azza wa Jalla, nous avons vu que parmi ce qui découle de ce nom, ce qui découle de cet attribut, c'est la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Donc la sagesse d'Allah Azza wa Jalla est très étroitement liée à ce nom Al-Latif. Donc, pour parfaitement adorer Allah Azza wa Jalla à travers ce nom, pour puiser des fruits de l'adoration d'Allah Azza wa Jalla à travers ce nom, tu dois avoir tout encore et toujours présent dans ton esprit. Tu dois d'abord le savoir et l'avoir encore et toujours présent dans ton esprit qu'Allah Azza wa Jalla est sage. Il est sage en toute chose. Parmi les aspects de sa sagesse, c'est le fait qu'il est sage dans ses décrets, dans sa prédestinée, dans ce qu'il décrète dans ce bas monde. Il est sage. Et il prédestine les choses à la perfection. J'aurais voulu dire chirurgical, mais la chirurgie est beaucoup, beaucoup plus... est trop imperfecte par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa ta'ala prédestine les choses de manière totalement parfaite. Et lui, subhanahu wa ta'ala, sait cela. Il sait qu'il fait des choses de manière parfaite. Il emboîte les choses, il imbrique les choses, il fait succéder les choses de manière parfaite, sans défaillance. Lui, il le sait. Qu'il le sache, celui qui peut le savoir parmi les serviteurs, et que l'ignore ceux qui l'ignorent. Cela veut dire que Allah prédestine les choses parfaitement. Tu as voulu te marier avec une telle, tu n'as pas pu. Tu as voulu avoir des enfants, tu n'as pas pu. Tu as voulu voyager, tu n'as pas pu. Tu as voulu faire l'Umrah, tu as voulu étudier à Médine ou en Égypte, tu n'as pas pu. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a décrété cela. C'est lui qui t'a prédestiné cela. Avec une grande sagesse. Avec une maîtrise totale et parfaite. Lui, il sait pourquoi il l'a fait. Toi, tu peux imaginer, oui, j'ai pas pu parce que si je serais parti, il y aurait ceci, il y aurait cela. Tu peux connaître même pas la partie apparente de l'iceberg, beaucoup moins que cela. Mais Allah Azza wa Jal, lui, sait parfaitement. Donc, rien, il n'y a aucun mal dans le fait que toi, tu n'arrives pas à percevoir le pourquoi du comment. Parce que c'est les affaires d'Allah, tu ne les maîtrises pas. Mais tu dois avoir cette conviction, cette certitude. Non, j'ai confiance en mon Seigneur. Non, Allah sait. Allah est sage, Allah est bon, Allah est latif envers moi, Inch'Allah. Donc Allah Azza wa Jal prédestine toute chose avec perfection que lui sait et maîtrise, de manière à ce que le devenir des choses soit un véritable bien pour son serviteur. Vous savez que, comme nous l'avons vu, des fois on est attaché à des choses. Des fois on pense que telle chose est bien pour nous. Par exemple la richesse. Par exemple se marier avec une telle, par exemple réussir son diplôme, par exemple. Nous on pense que ça c'est un bien pour nous. Parce qu'on se dit, oui, quand j'aurai de l'argent, j'irai faire ceci, j'irai faire cela, j'aiderai des gens comme ci, je mettrai mon argent dans telle et telle bonne action. Mais ça, c'est des rêves, c'est des espoirs, c'est des imaginations que tu as. Mais peut-être que dans la réalité des choses, ça sera tout autre chose. Donc voilà pourquoi, toi, tu penses que c'est un bien pour toi. Mais si Allah t'en détourne, il t'en détourne pour t'orienter vers ce qui est réellement un bien pour toi. Concrètement et effectivement un bien pour toi. Parce que lui sait qu'est-ce qui est ton bien et lui sait qu'est-ce qui n'est pas un bien pour toi. Donc voilà pourquoi il agit avec sagesse envers toi. Voilà pourquoi. Tout cela pour dire que croire en ce nom, adorer Allah Azzawajal à travers ce nom, parmi les fruits de ce nom, c'est le fait d'avoir confiance en la sagesse d'Allah et mettre tes affaires entre les mains d'Allah. Vous voyez, c'est comme des fois un enfant avec son père. Oh papa, j'ai peur. T'inquiète pas, mon fils, suis-moi. Fais ce que je te dis et Inch'Allah, tu n'auras pas de mal. Vous voyez, à plus forte raison, à meilleure, à plus en grande échelle, Allah Azzawajal. Quand tu as confiance en lui, en sa sagesse, en sa bienfaisance, en sa subtile bienfaisance, tu n'auras pas peur. Même si tu vois qu'en apparence, ce qui t'arrive est mal ou mauvais, en apparence encore une fois. Et Allah Azza wa Jalla est plus sage et plus savant. Rabi'an, an ta'lama wa an tastahdira anna Allah ta'ala latifun bika wa bi'umumi ibadihi siyama ahl al-iman fa ahl al-salah. هذه من المهمات. الله عز وجل وصف نفسه بأنه لطيف بعباده كلهم وبالمؤمنين على وجه الخصوص وبأهل الصلاح والإيمان والولاية على وجه أخص. فينبغي عليك أن تعتقد جازما أن الله لطيف بعباده كلهم وبك وبعموم المسلمين. فلو رأيت من المسلمين من يعيش مصائب صعوبات فتن فلا تقول إن الله لم يلطف بهؤلاء حاشا وكلا تعالى الله عن ذلك. فينبغي عليك في كل الأحوال وكل الظروف وكل آن تعتقد أن الله لطيف كان لطيفا ولا يزال لطيفا ولن يزال لطيفا بعباده. خامسا أن تعلم وتستحضر أن لطف الله بمعنى رحمته وإنعامه وإحسانه. أن تعلم وتستحضر أن لطف الله بمعنى رحمته وإنعامه وإحسانه وأنه يشمل أمور الدين والدنيا والآخرة وأن لطف الله يأتي عباده بأساليب خفية وبطرق عجيبة وبتراتيب بديعة أن للمرء أن يدركها. وقد يكون نتاج تسلسل أحداث كثيرة وقد تصلح ثماره بعد محن ومتاعب وقد تجنى خيراته بعد حين من الدهر وقد تحصل له وهو غير متفطن لها أولا بل ولا آخرا. معنى هذا الكلام كله هو أنك تعلم وتستحضر أن لطف الله بمعنى رحمته وإنعامه وإحسانه على عبيده. الله لطيف بك من معاني ذلك أنه رحيم بك، لطيف بك، رؤوف بك، رفيق بك، محسن عليك. وأن هذه الصفات كلها تشمل ما يتعلق بدينك وبدنياك وبآخرتك. الدين الهداية. الدين الهداية للإسلام. الدين الهداية للسنة. الدين الهداية للعلم النافع. الدين الهداية والتوفيق للعمل الصالح. الدين الهداية للتوبة والاستغفار. الدين قبول التوبة وقبول الاستغفار. وقس على ذلك. الدنيا كل ما تعلمون من أمور دنيانا. الآخرة الغفران والرحمة والتوبة وقبول شفاعة الشافعين وغفران الذنوب ومحو السيئات والحلم وما إلى ذلك مما يقع يوم القيامة من خيرات الله عز وجل، ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات وما إلى ذلك، كلها من أمور الآخرة. أن لطف الله يأتي عباده بأساليب خفية، هذا أمر الإنسان لازم يتفكر دائما وأبدا، أن لطف الله عز وجل يأتي بأساليب خفية وبطرق عجيبة وبتراتيب بديعة. إنسان هذا اللطف قد إنسان ما يشوفوش جاي، نعمة الله عن طريق اللطف لا يراها تأتي إليه، بل يتفاجأ بحصولها فيه. أما النعمة التي تراها قادمة فهي من رحمة الله ومن إحسانه وكرمه، أما اللطف فيأتيك وأنت لا تعلم، لا تنتظر، لا تحتسب، لا تظن، فيأتيك اللطف بهذه الأساليب الخفية وبالطرق العجيبة وبالتراتيب البديعة. أن للمرء أن يعلمها أو أن يتبصر بها أو أن يتفطن لها. فمن ذلك أن لطف الله عز وجل قد يكون نتاج تسلسل أحداث كثيرة. شوف قصة يوسف عليه السلام، لطف الله عز وجل به بما بدأ بأن حسده إخوته، بدأ بأن أحبه أبوه، بدأ بأن كان صدرت ظهر منه أمور جعلت أباه يحبه ويعنى به، فأحبه أبوه، فغار إخوته، فاجتمعوا واتفقوا ودبروا وفعلوا كيدهم، ثم وقع ألقوه في البئر، ثم قدر الله عز وجل أن جاءت سيارة وأن أرسلوا واردهم. كان ممكن هذه السيارات جوز ومتحبش لأنهم عندهم الماء، لا، قدر الله عز وجل أن هذوك الناس يحتاجوا الماء، فتوقفوا عند هذا البئر وأخذوا منه، فإذا بهم بيوسف عليه السلام فأخذوه معهم، ثم باعوه، ثم أمال الله عز وجل قلب امرأة العزيز فأخذته، والقصة كلها شحال من حادثة كاين، شفتوا، ماشي وحدة، ماشي زوج، ماشي ثلاثة، ماشي ربعة، حتى ينتهي المطاف بأن صار يوسف عليه السلام نبي الله. ما كنت تسنم نقول عزيز مصر، لا، أفضل من ذلك أنه صار نبي الله سبحانه وتعالى، داعيا إلى التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما هذه ما تعبدون من إلا أسماء سميتموها، توحيد، إمام في التوحيد، يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى تحكيم شرع الله، فما أعظم هذا المقام. ثم زاده الله عز وجل من لطفه وإنعامه فصار سيدا على خزائن الأرض. ومن لطف الله به أن جعل قومه في فقر وحاجة، ومن لطف الله به أنهم أتوا إلى مصر يطلبون الإعانة، وقس على ذلك كل هذه الأمور، شفتوا التسلسل. فبعض الناس، نحن كلنا الضعاف، إذا وقع لنا شيء نقول هذا الله حكيم ستفرج، سنتسنى غدوة صباح غير ما تنوض وراء الفرج، أين الفرج؟ ما زال تبدأ تشك، تبدأ تتردد، تبدأ يخطر في بالك خطرات، ولعل الفرج الذي تنتظره قد لا يأتي إلا بعد أحداث وأحداث وأحداث وأحداث، ثم يحكم الله عز وجل أن يأتيك الفرج. فقد يكون لطف الله عز وجل نتاج تسلسل أحداث كثيرة، وقد تصلح ثماره بعد محن ومتاعب. هذا اللطف قد يأتي بعد محن ومتاعب، وقد تجنى خيراته بعد حين من الدهر. متى انفرجت على يوسف عليه السلام؟ لما كبر وكان فتى غلاما ألقي في اليم ألقي في البئر، فلم تفرج عنه إلا بعد سنين وسنين وسنين. ومن المهمات أن لطف الله عز وجل قد يحصل للإنسان وهو غير متفطن له أولا ولا آخرا، معنى أن الله قد يلطف بك وهذا اللطف قد لا تتنبه له، قد لا تتنبه له، ما تشوفوش، ما يبان لكش، بل ما تشوفوش جاي لك، ما تشوفش الفتح، ما تشوفوش والفرج، ما تشوفوش والنعمة، ما تشوفهاش، بل قد يكون من أمر لطف الله عز وجل بك أنه يقع عليك ويصيبك ويكتنفك وتنعم به وأنت لا تدري أنك قد أصبت بلطف الله عز وجل، ما انتبهتش أصلا، ويجوز عليك سنين وما عرفتش بلي وصرى لك من لطف الله. فإن لطف الله خفي في حصوله بداية ونهاية في بعض الأحوال. فلذلك الإنسان قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف تحصي كل ألطاف الله بك؟ لا يمكنك، لأن من ألطاف الله ما لم تعلم به أصلا، والعلم عند الله جل وعلا. لا أدري هل راكم تتبعوا معي مليح وهل راكم تحسوا بهذه المعاني الكثيرة. باش هكذاك مع الآخر نعود نولي لكم واش قلت لكم في بداية شرح هذا الاسم، وهو أننا لو فهمنا هذا الاسم حق الفهم وتعبدنا لله به حق التعبد لعله يكفينا في ديننا وآخرتنا ودنيانا. وأنتم ترون هذه الأمور هي أمور عجيبة جدا للغاية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. Donc le quatrième point parmi les façons d'adorer Allah عز وجل à travers ce nom, bien les fruits de l'adoration d'Allah عز وجل à travers ce nom, c'est que tu saches et gardes présent à l'esprit qu'Allah, exalté soit-il, est plein de bonté subtile envers toi et envers l'ensemble de ses serviteurs, en particulier les croyants et les pieux. Cela va de soi, c'est clair, évident et basique. Allah est latif, Allah s'est nommé, s'est décrit comme étant latif, subtilement bienfaisant. Ça veut dire que tu dois croire cela. Tu dois croire fermement, avec la plus grande des convictions, qu'Allah est latif. Il est latif envers toi, il a été, il est, il sera, envers toi, envers les musulmans et même envers toute créature. Et il ne faut jamais dire que non, Allah n'a pas été latif avec moi, avec une communauté, avec des gens, avec un non-musulman, avec un animal ou toute autre chose. Non, Allah a dit qu'il est latif, donc il est latif. Que tu arrives à percevoir ce lotf ou que tu n'arrives pas à le percevoir, que tu le comprennes ou pas, que tu le perçoives ou pas, que tu le ressentes ou pas. Donc, c'est une nécessité d'attester, de croire que Allah est latif. Même si tu vois qu'il y a des gens qui sont éprouvés, tu vois un voisin, une connaissance, ah, subhanallah, lui, miskin, d'épreuve en épreuve. Et Allah, il ne lui accorde pas sa miséricorde. Allah, il n'accorde pas sa subtile bienfaisance. Miskin, ça fait longtemps. Le fait de penser cela, qu'Allah ne lui accorde pas, ça c'est faux. Allah lui accorde. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Voyez Ayyub alayhi salam. Le messager d'Allah, bien le prophète Ayyub alayhi salam. Donc, c'était un croyant. En plus, c'était une personne qui appelait à la religion, qui a transmis la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, il était proche d'Allah, il était un allié d'Allah, un pieux serviteur d'Allah. Allah l'a éprouvé. Au point où il a perdu tout ce qu'il possédait de cette dunya. Combien de temps est-il resté malade? Une semaine? Un mois? Un an? 10 ans? Certains savants ont dit 17 ans, 18 ans. D'autres ont dit 90 ans, ou un peu plus ou un peu moins. Donc, ceux qui l'avaient vu et ceux qui ne savaient pas cette subtile bienfaisance d'Allah Azzawajal auraient pu dire que Mesquin, celui-là, il est banni de la miséricorde d'Allah. Alors que non. Allah l'a couvert de son lotf. Et la preuve étant que ce lotf est apparu à travers plusieurs éléments. Le fait d'être éprouvé et qu'Allah Azzawajal lui ait accordé la patience. L'élève en degré, il le rapproche d'Allah Azzawajal encore et encore. Allah lui a octroyé des récompenses que personne ne sait. Donc c'est un grand bienfait. Et à la finale, Allah Azzawajal lui a enlevé la maladie, les effets de la maladie, et il lui a donné en compensation tout ce qu'il avait perdu et encore mieux. Mais après combien de temps? Pas un jour, pas une semaine, pas un an, pas cinq ans. Beaucoup plus tard. Donc, il faut toujours dire que Allah est latif. Même si tu vois qu'en apparence une personne est éprouvée, il faut toujours que tu penses que il est très fort probable que cette personne qui est éprouvée, cette épreuve est un lotf d'Allah pour elle. Comment, pourquoi? Tu ne sais pas. Et tu n'as pas à savoir les détails. C'est Allah qui gère les choses et administre les choses. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ton affaire. Pense du bien de ton Seigneur. Espère le bien pour tes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque au début de l'islam. Il était persécuté, lui et ses compagnons. Au point où les compagnons avaient peur de se déclarer étant musulmans. Sans parler de prier devant les gens, publiquement et tout. Dans ces états, dans ces circonstances, le prophète, alayhi salam, pour les raffermir, leur a dit, vous allez posséder ce qui réside en dessous les pieds de Kisra et de Qaisar, le roi perse et le roi romain. C'est comme si on vous disait... ou bien on disait à nos frères en Palestine, à Gaza, ou au Soudan, ou les Ouïghours, ou autres, on leur disait, vous allez posséder ce qu'il y a sous les pieds de tel président de tel pays, on n'en personne pour ne pas faire politique, et tel président de tel autre pays que vous connaissez. Imaginez, vous allez dire ça à des Ouïghours qui sont dans des circonstances incroyables, ainsi que d'autres de nos frères et sœurs musulmans et musulmanes que vous connaissez, dont vous connaissez les circonstances. Le prophète alayhi salam l'a dit. Et les compagnons ont eu foi en ce qu'il a dit, ont cru en ce qu'il a dit. Alors que les circonstances n'étaient pas du tout convaincantes. Mais Allah est latif. Allah est subtilement bienfaiteur. Son bienfait va arriver nécessairement. Donc ça c'est une chose impérative de croire en cela, même si l'apparence ne le consolide pas, ou bien l'apparence ne reflète pas cela ou ne te fait pas penser à cela. Cinquièmement, que tu saches et gardes présent à l'esprit que la subtile bienfaisance d'Allah Azza wa Jal signifie sa miséricorde et sa bienfaisance et sa générosité. Deuxièmement, qu'elle englobe les affaires religieuses, mondaines et celles de l'au-delà. Troisièmement, que la douceur d'Allah, que la subtile bienfaisance d'Allah parvient à ses serviteurs par des voies cachées, des moyens étonnants et des agencements magnifiques qu'il est impossible à l'homme de concevoir. Il se peut qu'elle soit le fruit d'une succession d'événements. Il se peut que ces effets bénéfiques n'apparaissent qu'après des épreuves et des difficultés. Il se peut que ces bienfaits ne se récoltent qu'après un certain temps. Et il se peut qu'ils te parviennent sans même que tu t'en rendes compte, ni au début, ni même à la fin. Allah est latif et subtilement bienfaiteur. Il faut que tu saches, que tu crois, que tu l'aies présent constamment à l'esprit, ou bien le plus longtemps possible, le plus souvent possible, que tu aies cela présent à l'esprit, que le lotf d'Allah Azza wa Jal, cela veut dire, donc la subtile bienfaisance, fait référence à sa miséricorde, sa bienséance, sa bienfaisance et sa générosité. Donc c'est les biens, les dons, les grâces d'Allah Azza wa Jal sur toi. Que cette subtile bienfaisance d'Allah englobe les affaires religieuses, les affaires mondaines et les affaires de l'au-delà. Les affaires religieuses, c'est comme la guider à l'islam, la guider à la sunna, la guider à la mise en la guider à la science utile, la guider aux bonnes actions, la guider au repentir. Et ainsi de suite. Tout cela englobe la religion. Aussi, ça englobe l'acceptation du repentir, l'absolution des péchés, et ainsi de suite. Tout cela rentre dans la religion. Ça englobe également ta vie ici-bas. Les bienfaits d'Allah, les objets subtils, peuvent toucher ta vie ici-bas. Ta richesse, ta santé, ta famille, tout ce qui te concerne. La sûreté, la sécurité, l'apaisement, etc. L'au-delà, c'est quoi? C'est tout ce que tu vas vivre et subir le jour de la résurrection. Tu t'es repenti? Est-ce qu'Allah a accepté ton repentir? Tu as fait des péchés? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla te pardonne ces péchés? Tu as fait des bonnes actions? Est-ce qu'Allah a accepté tes bonnes actions? Tu as délaissé telle chose pour telle chose? Est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla acceptera qu'intercèdent en ta faveur les intercesseurs? Parmi les choses de l'au-delà, est-ce que Allah Azza wa Jal va changer tes mauvaises actions en bonnes actions? Est-ce qu'il va faire prévaloir sa miséricorde ou pas? Et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est les affaires de l'au-delà. Et toutes ces affaires-là sont, découlent de la subtile bienfaisance d'Allah Azza wa Jal. Donc la subtile bienfaisance d'Allah Azza wa Jal touche ta religion, ta vie ici-bas et l'au-delà également. Troisièmement, la douceur, la subtile bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala parvient à ses serviteurs par des voies cachées, des moyens étonnants et des agencements magnifiques qu'il est impossible à l'homme de concevoir. Al-lotf, la subtile bienfaisance d'Allah azza wa jal, c'est un aspect spécifique et précis de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est générale et globale. Elle englobe tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Dans tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui découlent de la miséricorde d'Allah, il y a une partie qui vient à son serviteur de manière subtile et cachée. Cette partie, c'est toujours la miséricorde d'Allah, mais elle a un nom spécifique et particulier. C'est la subtile bienfaisance d'Allah. C'est Al-Lotf. Donc, Al-Lotf, ces bienfaits d'Allah viennent de voies cachées, que tu ne vois pas. Toi, tu es là, tu es assis. Peut-être que Allah Azza wa Jal a fait qu'il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose pour ton bien à toi. Peut-être qu'il y a ton épouse ou ta mère qui est en train de te préparer un repas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit « Oui, un tel Allah, je pense du bien de lui, donc je vais lui trouver un travail. » C'est mon employé, je vois qu'il est sérieux, je vais lui donner un meilleur poste. Et alors toi, tu ne sais rien de tout cela. Mais cette personne, Allah Azza wa Jal, guide cette personne à faire cela en ta faveur. Et toi, tu n'as pas du tout idée de cela. Donc c'est des voies cachées, des moyens étonnants, ajib. Tu dis, subhanallah, comment ça s'est arrivé? Contre toute attente. Des moyens étonnants et des agencements magnifiques. Des choses qui sont emboîtées, des choses qui se succèdent les unes des autres, les unes les autres de manière incroyable. Tu dis, subhanallah, al-azim. Et tout cela fait que l'être humain, l'homme, le serviteur, ne peut pas du tout percevoir cela. Comment tu peux savoir ce que les gens disent de toi et qu'Allah Azzawajal a mis des gens sur ton chemin pour te réaliser des bonnes choses? Ta femme, ton fils, ton père, ton frère, un voisin, un frère à la mosquée, un frère dans le travail, Allah Azzawajal, tu ne peux pas savoir tout cela. Donc voilà pourquoi il est dit que l'être humain ne peut pas savoir cela. Mais tu sais que ça existe. Tu sais que ça est, c'est. Donc, à travers tout ce que nous venons de dire, la subtile bienfaisance d'Allah Azzawajal, il se peut qu'elle soit le fruit d'une succession d'événements. Donc, la subtile bienfaisance d'Allah, elle peut arriver, elle peut venir, elle peut se réaliser à travers une succession de plusieurs événements. Pas un seul événement, pas deux, des fois un nombre important d'événements. Des fois, nous, lorsqu'on est éprouvé par une chose, on dit « ça y est, j'ai été éprouvé, alhamdoulilah, j'ai patienté, alors demain, elle est où l'ouverture ? Elle est où la facilité ? Elle est où la ni'ma ? J'attends. » Hier, je n'ai pas eu de quoi acheter, je n'ai pas eu de quoi manger, mon compte était vide. Donc, le lendemain matin, normalement, c'est bon. Je dois avoir. Mais au fait, peut-être que ce n'est pas comme ça qu'Allah Azzawajal a décrété les choses. Vous voyez l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, sa vie a commencé d'une certaine manière. Elle est passée par une période très, très, très difficile. Et elle a fini par une ouverture et des grâces d'Allah Azzawajal. Et tout ça a été une succession d'événements, de choses qui ont fait que, à la finale, ça se finisse parfaitement bien pour Youssouf alayhi salam. Comment a commencé l'histoire de Youssouf alayhi salam ? C'est très subtil, c'est très lointain, mais c'est des choses réelles. Premièrement, Youssouf alayhi salam est apparu de lui des choses, des éléments qui ont fait que son père a su que lui, il était un enfant pas comme les autres. Il était destiné à une noble mission, à un noble avenir, Inch'Allah. N'oubliez pas que son père, Yaqub alayhi salam, était un prophète et messager, était un prophète. Il était un prophète. Donc il savait des choses venant d'Allah Azzawajal. Donc, premièrement, Youssouf alayhi salam a laissé apparaître des choses. Ensuite, son père l'a affectionné de manière particulière. Il lui a accordé une attention particulière. Ensuite, ses frères l'ont envié. Ensuite, ils se sont réunis pour discuter. Ensuite, ils ont manigancé. Ensuite, ils ont réalisé le projet. Ensuite, ils l'ont laissé dans le puits. Ensuite, Allah a fait que des voyageurs sont passés par ce chemin. Ensuite, Allah a fait que ces voyageurs avaient besoin de l'eau, alors qu'ils pouvaient ne pas avoir besoin de l'eau, parce qu'ils auraient pu trouver un autre puits juste avant. Et ensuite, Allah Azzawajal a fait que la personne est partie prendre de l'eau dans le puits et qui a trouvé Youssouf alayhi salam, et toute l'histoire que vous connaissez. Ensuite, Allah Azzawajal a fait qu'ils sont partis en Égypte et pas ailleurs. Il a fait que l'épouse du noble d'Égypte a eu de l'affection pour Youssouf, elle a voulu le garder pour elle, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'histoire. Combien cela a duré de temps ? Une heure ? Un jour ? Un mois ? Des dizaines et des dizaines d'années. Youssouf alayhi salam était enfant lorsqu'il a été jeté dans le puits. Et la finalité, c'était une personne qui avait un certain âge. La première, ou bien parmi les plus importantes, les plus importants bienfaits d'Allah Azzawajal sur lui, c'est qu'il devint, les Arabes au fond, vous connaissez la réponse, c'est qu'il devint prophète. Le plus grand bienfait d'Allah sur lui, c'est pas qu'il devint un noble responsable en Égypte. Non, ça c'est la dunya. Bien sûr, il a utilisé de manière parfaite et totale, masha'Allah, alayhi salam. Mais plus important que cela, c'est la religion. Allah l'a élu, l'a choisi, l'a préparé, l'a purifié, l'a réformé pour qu'il devienne un de ses prophètes. Ça y est, il est devenu prophète, ça y est, il a tout gagné. Alayhi salatu wa salam. Et ensuite, Allah Azzawajal lui a accordé les biens de ce bas monde. Yusuf alayhi salam, il était prophète alors qu'il était encore dans les épreuves. Il était prophète alors qu'il était encore dans les épreuves. Il était en prison. Et dans la prison, c'était une personne qui prêchait le tawhid. Il appelait les gens, dans la prison, il appelait les gens au tawhid. Lorsque les deux personnes, ces deux côtés co-détenus, lui ont dit, voilà, on voit en toi un bien, on a fait des rêves, interprète nos rêves. Par quoi il a commencé? Il leur a fait la da'wah. Vous voyez les divinités que vous adorez, ce n'est que des noms que vous vous donnez à des choses. La vraie divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fait son prêche. Ensuite, il a répondu à leur demande. Donc, après avoir passé tout ce qu'il a passé, après que tout ce temps est passé, Allah Azza wa Jalla lui a donné une ouverture, une facilité. Il devint prophète. Il devint prophète d'Allah Azza wa Jalla. Après cela, Allah Azza wa Jalla a fait de lui un notable parmi les hauts notables et hauts responsables du pays. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a fait que la famille ou la tribu de Yusuf alayhi salam, bien de son père, était dans la famine. Ensuite, ils sont partis chercher une aide au niveau de la nourriture. Chez qui ils sont partis? Ils sont partis en Égypte. Ils auraient peut-être pu partir ailleurs, mais Allah a prédestiné qu'ils viennent en Égypte. Et ils sont venus au moment où Yusuf alayhi salam était le responsable. Ils auraient pu venir quelques années avant, il n'aurait pas été le responsable. Vous voyez comment Allah imbrique les choses, emboîte les choses, prédestine les choses de manière parfaite. Mais est-ce que Yusuf alayhi salam aurait pu savoir? Est-ce que Yaqub alayhi salam, qui sont des prophètes, aurait pu savoir? Même pas eux. Mais Allah l'a su. Et la finalité, c'était ce que vous connaissez. Donc, il se peut que la subtile bienfaisance d'Allah azzawajal soit le fruit d'une succession d'événements. Il se peut que ces effets bénéfiques n'apparaissent qu'après des épreuves et des difficultés, comme l'histoire de Yusuf alayhi salam. Donc la subtile bienfaisance d'Allah, elle peut venir sans épreuve. Et elle peut venir à travers des épreuves ou bien après des épreuves. Il se peut que ces bienfaits ne se récoltent qu'après un certain temps. Comme nous avons dit par rapport à Yusuf alayhi salam, comme aussi l'autre prophète d'Allah azza wa jal, le noble Ayyub alayhi salam. Ayyub alayhi salam a été éprouvé. Et son épreuve était un lutf d'Allah azza wa jal sur lui. Il a été malade, une maladie où il a tout perdu de cette dunya. Il était que lui avec les vêtements qu'il avait sur lui, peut-être déchirés, peut-être sales. Et il n'y avait que son épouse qui était à son chevet. Sinon, il avait tout perdu. Ni richesse, ni rien. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Cet état était un bien pour lui. Allah le savait et lui, il avait confiance en Allah. C'était un prophète, un croyant, un ferme croyant. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal lui a donné l'épreuve, il lui a donné la guidée, la patience. Et cette épreuve était un bien pour lui. Il s'est consacré à l'adoration d'Allah. Allah Azza wa Jal l'a purifié. Allah Azza wa Jal lui a multiplié les récompenses et l'a élevé en degré. Que du bonheur, entre parenthèses. Et la dunya, vous connaissez l'histoire, le hadith dans lequel le prophète alayhi salam a dit que le jour de la résurrection, on ramènera la personne qui sera promise à l'enfer, qui méritera d'aller en enfer. Mais cette personne, dans ce bas monde, a vécu la meilleure vie que personne n'a vécue. On la fera rentrer un laps de temps dans l'enfer et on la fera sortir. On lui dira, on lui demandera de toute ton existence. As-tu vu un bien quelconque, un bienfait quelconque? La personne dira et jurera, non, Wallah, oh mon Seigneur, de toute mon existence, je n'ai jamais vu un bien ou un bienfait. Ce n'est pas un mensonge qu'il dit, non. C'est que ce laps de temps qu'il a passé en enfer lui a fait oublier toutes les années de bonheur. Et en parallèle, on ramènera une personne qui sera promise au paradis, mais cette personne a vécu la vie dans ce bas monde la plus misérable. Personne n'a vécu aussi difficilement que cette personne. Alhamdulillah, Allah l'a raffermi et il sera promis au paradis. On ramènera cette personne, on le fera rentrer un laps de temps au paradis, on le fera sortir. On le questionnera de toute ton existence. As-tu vu ne serait-ce qu'une seule épreuve, un méfait, une mauvaise chose? Non, Allah, mon Seigneur, de toute mon existence, je n'ai jamais vu un mal. Il n'a pas menti. C'est juste que ce laps de temps qu'il a passé au paradis l'a fait oublier toutes ses épreuves. Et il vivra pleinement dans ce paradis jusqu'à la fin des temps. Et il aura toujours plus et mieux et plus et mieux et plus et mieux. Donc, voilà pourquoi je vous dis que cette maladie qu'a touché Ayoub al-Issam était un bien pour lui. Et c'était une subtile bienfaisance d'Allah Azza wa Jalla sur lui. Il a eu l'épreuve. Donc, il a raffermi et il lui a promis les bonnes récompenses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et après plusieurs années, Ayoub al-Issam n'est pas resté malade une semaine. Vous savez, nous, quand on est malade une semaine, on commence à dire « ça fait longtemps ». Deux semaines, c'est abominable. Quand on est malade, toute notre vie, on a une maladie, un diabète, ou on a ceci ou cela, ça y est, ma vie est foutue, j'ai telle chose et telle chose, ça y est, c'est la fin pour moi. Ayoub alayhi salam, il a eu une maladie qui l'a fait perdre toute chose de ce bas monde, et cette maladie a duré, selon certains savants, 80 ou 90 ans, d'autres savants ont dit 18, 19 ans, peu importe. Al-Muhim, c'est une longue période. Donc voilà pourquoi il est dit que les fruits de l'autfallah peuvent venir après des épreuves et peuvent venir après un certain temps. Juste patiente. Attends. Et tu seras très, très, très agréablement surpris par ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a réservé. En dernier, il se peut que c'est les fruits de la subtile bienfaisance d'Allah Azza wa Jalla te parviennent sans même que tu t'en rends compte, ni au début, ni même à la fin. Ça, c'est très important. Il se peut que les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, on ne les voit pas venir. Il se peut que les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'ils sont en nous, on ne s'en aperçoit même pas. Et il se peut que les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, une fois que ça y est, ils ont été consommés, on ne s'est jamais aperçu qu'on a eu ce bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur nous. Un des bienfaits que nous avons tous ici, la sûreté et la sécurité. Est-ce qu'un jour, est-ce qu'on a dit « Ah oui, alhamdoulilah, on est en sûreté et sécurité ?» Peut-être quelques-uns parmi nous les plus aiguisés, mais peut-être beaucoup parmi nous n'ont jamais pensé à cela. Alhamdoulilah que voilà, il y a l'air. Alhamdoulilah que il y a l'air, subhanallah, on dit il y a l'air. Mais voyez des personnes qui ont un cancer au niveau des poumons, ceux qui respirent avec une machine qui sort de leur gorge ou autre, demandez-leur à ce que c'est facile pour eux de respirer. Voyez nos frères et nos sœurs qui sont asthmatiques. Est-ce que pour eux c'est facile de respirer? Etc, etc. Donc, on est dans des bienfaits, on ne sent même pas qu'on est dans ces bienfaits. L'argent que tu gagnes des fois, peut-être que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Tu l'as reçu. Tu l'as consommé, il est parti, il a été consommé, et tu n'as même pas pensé que Allah Azza wa Jalla t'a octroyé ce bienfait d'une manière subtile. Donc, il se peut que les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla te touchent sans même que tu sentes que c'est un bienfait subtil. Et il se peut que ça passe totalement et parfaitement alors que tu ne savais même pas. Comme je vous ai dit plusieurs fois, bien la fois passée ou les fois passées, tu aurais pu avoir un accident en voiture. Mais Allah Azza wa Jalla t'a préservé. Il t'a préservé, il a fait que cet accident, tu ne l'as pas eu. Et tu ne t'apercevras jamais que tu aurais pu avoir un accident et qu'il t'a préservé. Combien parmi nous, l'été vient de passer, combien de personnes parmi nous ont pris la voiture, ont pris, surtout la voiture. Et ils sont arrivés, une fois qu'ils sont arrivés à un certain lieu, la voiture avait des problèmes. Elle s'est arrêtée, il y a eu tel problème. Le mécanicien lui dit, mais comment t'as pu conduire avec ta voiture comme ça? C'est pas normal que tu as pu conduire alors qu'il n'y a pas du tout d'eau dans l'eau de liquide de refroidissement. Et toi, tu ne savais même pas. Tu ne t'es pas aperçu. Donc, c'est bien fait. Tu peux même pas te percevoir de cela. Et Allah Azza wa Jal t'a réellement comblé de ses bienfaits et toi, tu n'es pas du tout au courant de cela. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, que tu les saches ou que tu les ignores, que tu les perçoives ou que tu ne les perçoives pas. Allahu Azza wa Jal, ala wa ma'ala. Sixièmement, que tu saches et te rappelles les innombrables bienfaits d'Allah sur toi et du fait qu'il fasse tourner les événements en ta faveur, pour ton bien ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi tu reconnaîtras la grandeur d'Allah et celle de ses bienfaits sur toi. Tu le remercies pour tout cela, tu attaches ton cœur à lui, tu penses du bien de lui et tu espères toujours davantage de sa part. Ce que nous venons de citer nous pousse à une conclusion, qui est le fait de savoir, de croire et d'avoir présent en ton esprit tout le temps que tu es comblé de bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tu es comblé, tu es entouré de toutes parts des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et que Allah Azza wa Jal fait les choses, prédestine les choses de manière à ce que la finalité soit un bien pour toi. À travers cela, tu reconnais les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi, sa grandeur, sa bienfaisance, sa grâce sur toi, que tout ce que tu as vient de lui. Donc si il y a une chose qui te manque, si tu perds une chose, tu ne vas pas te rebeller parce que tu voulais gagner un peu d'argent, acheter une nouvelle voiture et finalement tu n'as pas pu, alors que tu es entouré de partout des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Le fait de penser à cela, d'avoir cela présent en ton esprit, te rappellera la grandeur d'Allah. Et si je faisais maintenant un péché, est-ce qu'Allah Azza wa Jal sera satisfait de moi ou sera en colère contre moi? Si je faisais un péché et un autre, si Allah est en colère contre moi, est-ce qu'il me donnera ses cadeaux, ses grâces, ses bienfaisances? Est-ce que je le mériterai ou est-ce qu'il va me couper tout cela? Tu as peur. Tu es dans le droit chemin et tu dis que peut-être que je ne mérite pas. Si tu es dans l'autre chemin, tu auras peur. Alors, de peur de ton Seigneur et de ce qu'il peut te prédestiner suite à ta désobéissance, tu vas te préserver de la désobéissance. Ah oui, si je fais ça, Allah, j'ai peur. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal enlèvera la bénédiction dans mon risque. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal fera que je serai éprouvé dans mes enfants. Tu prends de l'argent d'une autre personne, tu empruntes de l'argent, tu le rends pas. Tu dis peut-être qu'Allah Azza wa Jal va m'enlever la santé. Va enlever la santé de mon fils. Va faire que telle et telle chose, telle et telle chose. Non, akhi, moi je lui rends son argent, c'est son dû. Salam alaikum. Donc, quand tu ressens cela, tu reconnais la grandeur d'Allah, ses bienfaits sur toi, et aussi la valeur des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi. Ça veut dire que tu ne vas pas dénigrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi parce que tu as peu. Tu es un salarié. À la fin de chaque mois, tu galères. Tu ne vas pas dire, mais pourquoi je ne suis pas comme l'autre qui dépense son compté? Tu es locataire, chaque mois tu dois sortir une grande partie de ton salaire. Tu ne vas pas dire, mais pourquoi je suis locataire, pourquoi je ne deviens pas propriétaire d'une villa ou deux villas ou d'un pavillon comme l'autre, comme mon ami tel, mon voisin tel, mon frère. Tu ne vas pas dire cela parce que tu sais que tu baignes dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tu sais que tu es entouré de toutes parts des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Alors tu donnes de la valeur à tout cela. Tu dis, Malish, moi j'ai un toit. N'y a-t-il pas des gens qui n'ont pas de toit? N'y a-t-il pas des gens qui ont un voisinage infeste, etc., etc. Donc, tu vois le bien d'Allah Azza wa Jal sur toi et tu lui donnes de la valeur. Et bien sûr, à travers cela, après cela, tu es reconnaissant envers ton Seigneur. Tu le loues et tu le remercies. Et tu l'adores. Tu penses à tout ce qu'Allah t'a accordé, tout ce qu'il t'a donné. Et des fois, wallah, les frères, il y a des bienfaits dont on ne s'aperçoit même pas. La sûreté, la sécurité. Est-ce que des fois, ici, nous aussi en France, est-ce qu'on a pensé à cela? Ou ici en France ou ailleurs, hein? Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu sors la nuit, tu rentres la nuit, tu vas tôt le matin, tu prends les transports en commun, tu prends ta voiture. Des fois, tes enfants sortent tôt le matin pour aller à l'école ou vont tard le soir pour aller au sport ou autre chose. Des fois, ton épouse, elle sort pour faire des affaires importantes. Des fois, elle est à la maison et tu es tranquille. Jamais tu vas dire, ah oui, mais si jamais ils vont rentrer, ils vont torturer ma femme, ils vont la tuer, mes enfants, ils vont leur faire. Tu ne penses même pas à cela parce que Allah t'a accordé une sûreté, une sécurité là où tu vis. Et dis-toi bien qu'il y a des gens là où ils vivent, il n'y a pas cette sûreté, cette sécurité. Il y a des gens, lorsqu'ils sortent de la maison, ils disent, comme on dit ici en France, ils disent adieu à leur famille. Peut-être que je ne vais pas revenir. Il y a des gens qui sont dans des situations d'insécurité où ils ne sortent pas de la maison. Quand il y a l'insécurité, est-ce que tu peux faire du commerce et t'épanouir dans ton commerce? Est-ce que tu peux produire quelque chose et t'épanouir? Est-ce que tu peux te déplacer librement, voyager, profiter de ce qu'Allah Azzawajal t'a accordé comme bienfait sur terre? Non, parce que tu as peur. Donc, parmi les grands bienfaits d'Allah Azzawajal sur nous qui sont subtils et imperceptibles pour beaucoup parmi nous, c'est la sûreté et la sécurité. Et un autre exemple très simple, la respiration. On respire, il y a de l'air. Alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Mais vous savez bien qu'il y a des personnes qui n'arrivent à respirer que très difficilement. Ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des machines pour respirer. On en a vu, on en a entendu parler. Nos frères asthmatiques et nos sœurs asthmatiques. Et d'autres personnes. Donc, la respiration qu'on respire simplement, pour nous, c'est rien. On ne perçoit même pas que c'est un bienfait. Mais c'est un bienfait qui est subtil, qu'on ne peut même pas savoir qu'on est dans ce bienfait. Voilà pourquoi il est bien, il est convenable, il est recommandé, il est très, très fortement recommandé de visiter les malades. Et de visiter les tombes aussi. Mais les malades aussi. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu vas visiter les gens, quand tu vas voir là-bas, tu dis, subhanallah. Je vous invite, essayez une fois d'aller visiter des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Allez parler aux gens, allez voir comment les gens sont. Wallahi, même si vous êtes pauvrissime, vous direz, comment on dit, hein? C'est pas correct de faire ça, mais bon, c'est des choses qui sont collées à nous. Donc ne faites pas ça. Alhamdulillah, ya Rabbi, j'ai pas des richesses, mais je suis bien. Vous voyez des personnes qui perdent la raison. Il y a des personnes qui n'ont pas la raison, ils sont éprouvés par la perte de raison. Ils sont dans des hôpitaux spécialisés, comme les frères disent ici en France, ils sont comme des légumes. Tu vois, subhanallah, avant lui, il était à l'école avec moi, avant lui, il était au travail avec moi, avant lui, il était à la mosquée avec moi. Regarde maintenant comment il est mesquin, il est dans un état. La raison que tu ne vois pas, que tu ne touches pas, que tu ne perçois pas, c'est une grande ni'ma que tu as. Et tu ne t'en rends même pas compte. Comment pour t'en rendre compte? Lorsque tu vois, soit toi tu es éprouvé, qu'Allah nous préserve tous, soit tu vois les personnes qui sont éprouvées, tu dis, ah, subhanallah. Et tu dis, alhamdulillah. Voilà pourquoi dans l'invocation prophétique, quand tu vois une personne éprouvée, tu dis quoi? Vous connaissez le doigt? Alhamdulillah, alladhi aafani mimma btalahu bihi, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Louange à Allah, qui m'a préservé de ce par quoi il a éprouvé cette personne. Tu vois une personne qui est éprouvée quelque part. Tu dis, alhamdulillah, louange à Allah, qui m'a préservé de ce qu'il a éprouvé cette personne. Et il m'a privilégié sur beaucoup de ses serviteurs. Beaucoup. Beaucoup. Donc, ceci est nécessaire et est important. Et ça découle du fait d'adorer Allah à travers ce nom Al-Latif. Reconnaître les bienfaits d'Allah sur toi. Que tu les vois, les perçoives ou que tu les ignores. Donc, tu loues Allah pour tous les bienfaits. Et tu dis dans ton invocation, dans les louanges que tu fais pour Allah Azzawajal, « Oh Allah, je te remercie, je te loue pour tous les bienfaits que tu m'as octroyés, que j'en suis conscient ou pas. » Tu dis toute autre phrase qui va dans le même sens. Et Allah Azzawajal est plus sage et plus savant. On s'arrête là, Inch'Allah Azzawajal, alors qu'il nous reste quelques petits éléments qu'on verra la semaine prochaine, si Allah nous permet. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم